pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des arts de ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Show de balcon, parade, pop-up artistique, diffusé en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste et plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de Choc.ca. Le Septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose, grâce à une instrumentation extrêmement variée, une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast à coquins et la seule radio poubelle homosexuelle de gauche et accessoirement le meilleur podcast de Montréal. Ben accessoirement, mais pas si accessoirement que ça quand même. Quand même, number quand même. One, c'est pas rien. Je dis ça, je dis rien. Tu le dis pareil. Je le dis pareil. Ah oui, on le mentionne au passage, je sais pas qu'on veut s'en vanter nécessairement, mais pas oui, pour c'est ça. Exactement pas pour ça, ça. Mais on ouvre notre podcast ouais, avec ça. Voilà. Ça. On le dit de même. Alors moi c'est Jess PVM, concierge, bipolaire... sobre, accessoirement non-binaire, je suis de plus en plus confus quand les gens sur Grindr me demandent « You host » parce que je suis comme « Il veut-tu venir sur mon podcast ou dans ma gueule? » Ouh! C'est comme pas clair. Est-ce qu'il faut nécessairement choisir? Non, les deux sont possibles. Ah, ok, parfait. Les deux sont possibles, ben, mais sachez qu'il y a plus de place dans ma gorge que dans mon cœur. Oh, ça c'est beau. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. Toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Charlie Morin, puis autant Miss Personnalité, ça a été un moment d'éveil dans mon orientation sexuelle, où je me suis senti plus gay que jamais, et ce, à l'âge de probablement 9 ans. quand je dis « All cops are bastards », ça inclut Sandra Bullock dans Miss Personnalité. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ben surtout son boss, son boss c'est dégueulasse, c'est clairement juste du harcèlement. Genre c'est... Oh, mais il est hot. Pff, ouais, mais tu sais, misogynie is not that of a good look. En tout cas, Sandra Bullock est avec nous ce soir pour discuter de son rôle de policière pour le FBI. Yes! Mais non. Ouais, ouais, c'est ça. Mais même Sandra dans Miss Personnalité is a bastard, mais on a mieux que Sandra sur le show. Oui, et oui. On a le privilège aujourd'hui d'être avec une autre icône queer montréalaise, quelqu'un qui fait du travail d'éducation sexuelle, en veux-tu, en v'là, autant sur les médias sociaux, sur les interwebs, en personne, dans vos oreilles, et avec son podcast, c'est quoi mon genre, c'est June Pilote! Hey, salut tout le monde! Bonjour, hey, monsieur personnalité en monsieur personne. Monsieur personnalité en personne, je veux dire. Oh my god, yes! Yes! Pour vrai, congeniality. Oui. You're congenial. Oui. À mes heures. C'est ça. Oui, moi je te ferais gagner. Tu serais sur Drag Race, là, tu serais un bon sur le cœur. Je te ferais gagner la saison complète si t'as rien que de moi, mais mettons que ça arrive pas. Mettons. On jase. Ok, parfait. On jase. Comment tu vas? Ça va mal, comme d'habitude, mais je dois avouer que tous les petits confinements que vous m'avez donnés, la petite couronne, le petit rôle d'icône, ça se fait du bien mon mal-être. C'est vrai? Mais je veux dire, comme toutes les fifs et les gouines, je vais bien 10% du temps. Ben, de toute manière, on vient pas à le matin pour curer son mal-être. Non, on fait pas office de thérapie, on sait ce qui se passe. Non. Ben, je pense que la nouvelle tagline de Deux Fifs le matin, c'est « Deux Fifs le matin, du sel sur vos plaies vives. » Nice. Oh my God. OK, l'épisode... Cette semaine, de quoi on parle? L'épisode qui suit. va parler d'éducation sexuelle auprès des jeunes, mais auprès des adultes aussi, parce que guess what, on n'arrête jamais d'avoir besoin d'en apprendre sur les choses sexuelles de la vie. Et bien sûr, on va quand même parler de spécificités queer et trans en éducation sexuelle, et ça va sans dire, on se questionne sur les difficultés, n'est-ce pas, de faire ce travail-là en tant que personne ou en ligne. Là, moi, je sais pas pour vous autres, mais là, moi, je me touche en pensant du café. Moi, je suis plus capable. J'en peux plus. Peux-tu juste un petit café? Ouais. Un bon 3 sucres, 2 spermes, là, puis on y va. Où c'est ça? Fait qu'on vous revient dans 20 secondes. Fait qu'on a obtenu nos cafés spermless, malheureusement, parce que ça, c'est du sex work quand même, d'obtenir du sperme dans un gavel, selon moi, en tout cas. Oui, puis on n'a pas trouvé personne de disponible à ce moment-là. Ben, je veux dire, c'est ça, là. Malheureusement. On peut bien contacter les gens sur les sites pour sinon, ça, mais ils ne sont pas disponibles là, maintenant. On avait demandé de la cyprine en échange, puis il n'y avait pas ça non plus. Ces affaires-là. Penses-tu? On sait pas. On le sait pas encore. On sait-tu ou on sait pas? Je sais pas si on le sait. Est-ce qu'on est conscient de... Est-ce qu'on veut le savoir? Est-ce qu'on veut le savoir? Parce que ça veut dire que Glory Hole, il sera plus... Hey, my God! Moi, je pensais COVID free. Moi, en tout cas, je prends à prendre le risque. Moi, pour vrai, si vous cherchez comme quelqu'un va passer des... Je suis là. Moi, je... Hé, là. Fait que... On digresse. On est toujours avec June Pilote, directeur de l'organisme Alter Hero. Oui. À la direction, en plein pouvoir, en contrôle, le monarque, empereur, c'est ça. Amiral en chef. C'est ça. Podcasteur et aussi influenceur à ses heures. Parce que là, on est passé le 10K, ouais. Nous autres, on décide d'influenceur. Oui. On peut scroll up puis acheter des affaires. Moi, je dis, c'est ça, c'est influenceur. Vrai. Fait que ces trois projets-là ont une affaire en commun. C'est que c'est essentiellement du travail d'éducation sur des enjeux de genre et de sexualité. Fait que quand on parle d'éducation sexuelle, moi j'aime tout le temps ça, juste commencer d'entrée de jeu avec une question qui me fait plaisir, c'est qu'est-ce que vous vous souvenez des cours d'éducation sexuelle quand vous étiez au secondaire? Parce que peu importe à quel point on en a peu eu, tout le monde se souvient du moment. Ah oui, moment. Bien sûr. Tout le monde June, se souvient de comme l'espèce de comme « Oh my God, là, c'est de ça qu'on parle. » Tout le monde était comme « Là, c'est le moment. » Mais moi, j'ai plein de petits extraits de vie que je me souviens. Disons que un de mes anecdotes premiers, c'était comment, quand j'étais au secondaire, tout le monde disait que, je sais pas si pour vous, mais tout le monde disait que le Dr. Pepper, c'était un contraceptif. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non, moi, je me souviens qu'à mon école, peut-être que c'est repentini, c'était un petit peu trop deep. Pas des pantalons. Oh mais... my God! Mais les gens disent. Mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut juste que tu le boives? Est-ce qu'il faut que tu te le verses dedans? Est-ce qu'il faut que, comme. C'est quoi c'est la méthode petit, la plus directe? C'est un petit douching de docteur. Non, en fait, c'était. il fallait caler le 2 litres, puis après ça. Caler le 2 litres. Caler le 2 litres. Ça, c'est beaucoup de sucre. Non, là, mais. Après ça, ton sperme était spermatozoïde free. Ah ouais, mais. Mais au moins, pour vrai, c'est un contraceptif qui est genre. Au moins pour les gens avec un pénis, genre, oui, pour une fois, là. Pour une fois. Genre, moi, pas que je suis pas down, j'aimerais juste ça que ce soit vrai, genre. Hey, mais... Mon école secondaire avait de quoi? C'est parce que ça a l'air comme d'un shortcut pour être un contraceptif, mais je vois pas en quoi caler 2 litres de Dr. Pepper, c'est moins compliqué que de mettre un condom. C'est vrai. Ou juste Burback avec consentement, dans le pire des cas, mais... En même temps, peut-être caler 2 litres de Dr. Pepper, est-ce que l'érection, c'est facile après? Je sais pas, mais en tout cas, c'est certainement pas érogène, là. Ben, il pourrait. Est-ce que le rush de sucre, ça fait comme une coupe de shot de popper? Je sais pas. Ah, maybe. Je sais pas. Maybe. Oh. Fait que d'autres bribes? D'autres bribes, il y en avait une où est-ce que je me souviens bien. Ça, c'est un truc qui est un peu dangereux et à la fois drôle. Où est-ce que il y avait toujours, on se souvient quand on était en secondaire 1, 2, il y avait toujours 2, 3 filles qui étaient un peu plus expérimentées que les autres. Ouais. On les respecte, on les aime. Eh ben, pour vrai, maintenant, genre, turns out, probably the coolest bitches. Ouais, they were. On ne savait pas back then. Mais là, on sait. Puis aussi, elle posait. Moi, je me souviens, les miennes avaient toujours les cheveux rouges, premièrement. Ben oui. Mais aussi, un désir, puis à cœur que les autres aient accès à l'éducation sexuelle. Je me souviens que souvent, en morale ou en FPS, elle levait la main, puis était comme, pose des questions. Ben oui. Là, juste pour qu'on soit sûr, FPS, c'est pas frame per second. Non. C'est formation personnelle et sociale. Est-ce qu'on est des millennials, pour vrai, là? Genre, Gen Z be listening, genre, c'est qui ces vieilles personnes-là? Genre, ouais, on est des croûtes. Puis elle avait levé la main, puis elle avait dit, oh, quand on avale du sperme, est-ce qu'on peut tomber enceinte? Et là, moi, June... Je me posais la question. Ben, c'est quoi? J'ai assez peur de tomber enceinte. Mon prof avait dit oui. Quoi? Oui, je me souviens très bien. J'étais en secondaire 2. Oh, mon Dieu. Puis ça m'a pris, pour vrai... J'étais rendu au cégep. Quand tout à coup, j'étais assis dans une classe de français à pas écouter bien ça, puis à me rendre compte que le système reproducteur puis ce système digestif, ça pas lié ensemble. Non, là. Puis de tout ce temps-là, moi, le prof de morale qui m'avait dit ça en secondaire 2, c'était l'information qui m'était restée. Mais can you fucking believe que cet adulte-là pensait ça? Ben, oui, c'est dit, il a cru bon de dire que ça fonctionnait comme ça parce qu'il voulait pas qu'elle avale. Laisse-la avaler, esti! Triste d'idée. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que jusqu'à temps que j'ai 18 ans, je pensais que si t'avales, tu peux tomber enceinte. Ah ouais, jusqu'à 18 ans. Faut le faire, pareil. C'est malade, c'est malade. Jesus. En tout cas, moi, c'était mes cours d'anglais. Mm-hmm. Moi, là, mes cours d'anglais, la première moitié de l'année, 4 mois, je sais pas comment... Voilà, ça a l'air long au secondaire, là. Tout est long au secondaire. Voilà, un deck, c'est 7 ans, right? 100%. En tout cas, parfait. La moitié de l'année, c'était uniquement des photos, des zooms d'organes génitaux ou de parties du corps affectées par des ITSS, mais genre... Ça fait un an que t'as pas géré ton ITSS. Là. Oui. Ce genre de photo-là. Mais là. C'est sûr qu'après 10 ans de syphilis, les gens meurent. Fait que là, tu sais, c'est même putain de l'éducation sexuelle que de s'attendre-tu d'aller faire tester moins qu'une fois tous les quinquennaux. Là, c'est ça. Très instructif. Oh my god, c'était terrible. Puis là, l'autre moitié de l'année, c'était Première et Deuxième Guerre mondiale. Un curriculum bien recherché. Hein? Non, mais quand même, la personne qui a monté ce cours-là a mis du temps. Pis... Mais surtout comme, there's so much to unpack there. Juste comme, tu sais, there's so much to unpack. Juste comme, OK, comment ça se fait que les seules fois où tu présentes la génitalité, c'est pour faire peur? Oui, oui, 100%. Ouais. Aussi, comme ça, sans contexte, tu sais, je veux dire, c'est pas supposé être virulent, c'est mm-hmm. exceptionnel quand ça arrive. Oui, c'est aussi, ça. Même si la plupart des... Tu sais, surtout dans le groupe d'âge secondaire, début vingtaine, mm-hmm. c'est surtout gonorrhée, chlamydia, tu sais. Oui. Fait que genre, ça apparaît même pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est des stretches qui vont tellement loin. T'es comme là, le but, c'est juste de faire peur. Mais c'est comme les photos, c'est pas qu'à cigarette, là. Exactement, ouais. Je veux dire, on a passé la moitié de la session sur Barb Tarbox, là, c'est ce qu'on a fait. Là. Oui. Pour les gens qui ne savent pas, Barb Tarbox, c'est la mourante sur les paquets de cigarettes. Elle n'existe pas, ce madame-là. Là, je suis en train de rire d'une personne qui a souffert. Là. Oh. Sachez-le. Mais aussi, il faut qu'on parle aussi du fait que ça soit comme un prof d'anglais. Oui, c'est un prof d'anglais, oui, mais c'est parce que moi, j'ai vécu la première réforme mm-hmm. à l'époque où le complément circonstanciel de temps a explosé. Mm-hmm. Moi, d'ailleurs, ramenez-moi mon complément circonstanciel. C'est des compléments de phrases, là. On en veut. C'est vraiment intellectuellement pauvre. C'est des compléments circonstanciels. Complément circonstanciel de temps, là, est-ce hein? que j'y crois que c'est le ministère de l'Éducation qui a made that shit up? Voilà. Ça sonne comme quelque chose. C'est que un fonctionnaire genre, qui a pensé qu'un ça, fonctionnaire au ministère était comme, y'all bitches, I got it. Genre, qui a fait son pitch, qui était genre. Fait que nous autres, c'était comme mixé dans des cours, là. Puis. On a eu des cours de formation personnelle et sociale qui étaient quand même pas pires. La personne qu'on avait était, je la soupçonne maintenant avec le recul, qu'elle était queer puis qu'elle avait l'intention de nous apprendre des affaires qui avaient de l'allure. C'était quand même très axé sur porter un condom puis tomber pas enceinte. Là. Ouais, ouais. Attends, les queers font qu'est-ce qu'on peut. Ben, je veux dire. Voilà. De toute façon, en même temps, on était dans une école où t'étais parent à genre 15 ans. Là, fait que, c'est ça. C'était les réalités de la vie. Mais bon, c'était quand même intéressant d'avoir ça parsemé ici et là dans des cours. Là, tu sais plus trop quand est-ce. Puis tu sais, c'est tout le temps comme une surprise. Là, tu t'en vas dans ton cours de français, puis là, paf, asti, à matin, on parle de sexe. Transversal. T'as même pas le temps d'être comme a little bit excited for you. Non. Bam, ouais. Il me semble que je vous vois, là, vous êtes bien créatifs, vous deux. Un petit problème de mathématiques. Parlant des ITSS, ça ressemble à quoi? Ben, je sais pas, là. Oh my god. Gonorrhée plus chlamydia égale bain des pelules. Égale, t'as mal au ventre pendant quelque temps. C'est ça, là. T'sais. Oh my god, mais quand même, Hey, gars, moi, je te vois. Ben, low-key, j'ai fait de l'éducation sexuelle pendant 3 ans. Ah, c'est ça, je l'ai pas que je le ramène. High-key. High-key, quand même. High-key, là. C'était en plein, ce job-là. Mais. Toi, à l'école, un cours de. Moi, ce qui était cool, c'est que, genre, la prof de FPS était quand même cool, tu sais. Puis. Il y avait rien de scandaleux, je pense que c'était juste un cours, fait que tu sais comme ben c'est sûr que c'est vraiment pas assez. Puis tu vas pas assez en profondeur, mais elle avait fait un commentaire genre un gag que genre que pour vrai oui, j'ai dit en profondeur, Jess, Asti, je trouve ça drôle. Asti, je trouve ça drôle. Hein? Ah, moi puis Joe, on s'est regardé, on était comme wow, kinky. Fait que Amanel avait dit, je sais pas, là, elle parlait de genre pénétration vaginale, puis de comment ça pouvait fonctionner. Ou genre, tu sais, je me souviens même plus dans quelle technicalité elle était, mais mm-hmm. tu sais, probablement pas bien en détail. Ouais. Puis là, Amanel a fait juste se tourner vers la bande. Puis si vous vous demandez si c'est le fun d'anal, la réponse c'est oui. Puis là, j'ai juste pensé à autre chose. Puis moi, j'étais comme, wow. Madame, yes! Wow. Get it, girl! Oh my god! Get it, girl! Non, je sais. Moi, je suis juste comme, ok, oui, okay. Moi aussi. Là, j'étais comme, ok, madame, là, yes! Madame, elle s'est permis ça. Hein? Ouais! J'adore. Si vous vous demandez si l'anal c'est le fun, oui. Moi, j'étais comme, as a queer kid, I felt seen. Ça, I felt seen. Quand même pas pire. Fait que là, on va rentrer quand même un peu plus dans le vif du sujet. Yes. C'est souvent vraiment compliqué de faire des éducations sexuelles inclusives puis centrées sur la notion de plaisir avec des jeunes parce que souvent, on se retrouve devant des barrières qui sont souvent les adultes. oui, très souvent. Ouais, c'est ça. Est-ce que parce qu'à Alter Ero, vous formez des bénévoles pour répondre aux questions des jeunes sur les interwebs, vous sentez que vous pouvez plus facilement contourner cette barrière-là ou est-ce que ça reste quand même? Mais je vais parler un peu d'Alter Ero pour le fun. Donne-nous juste un petit peu de contexte. On ne veut pas genre comprendre tant que ça. Non, regarde. Fait que là, j'écris des demandes. En fait, c'est qu'on a une plateforme en ligne où les gens, les jeunes et moins jeunes envoient leurs questions sur le genre, la sexualité, et on y répond. On a une équipe de bénévoles qui sont du pour et par, la plupart qui sont LGBT, et on a des formations. Voilà. Oui, parce que quand on dit pour et par, c'est pour les personnes concernées. Les personnes concernées. Exactement. Fait que je dirais que c'est une question qui est... Parce que c'est certain que comme on est en ligne, il y a un filtre qui est enlevé. Donc, on est souvent le premier... par la première endroit où est-ce que les jeunes vont aller questionner leur sexualité, questionner leur genre ou juste questionner le sexe en général parce que, oui, on est un organisme LGBT, mais un bon 30% de nos questions sont envoyées par des jeunes hétéros parce qu'il n'y a tellement pas d'éducation sexuelle au Québec que on reçoit des questions qui sont souvent qui nous montrent la gravité. On se rend compte beaucoup que les jeunes n'ont en fait aucune idée de comment qu'on peut tomber enceinte, comment la reproduction fonctionne. Puis ça montre à quel point c'était une excellente idée, en fait, en 2004, d'enlever le cours de FPS. Hey, listen. Dieu merci. Idée. Continue. Ah, c'est clair. Fait que je dirais que c'est ça. Comme on est sur Internet, c'est clair qu'il y a une barrière qui est enlevée, que l'éducation sexuelle, comme toi tu faisais, Charlie, ou est-ce que c'est en présentiel? Agnon! Ben, c'était un peu différent. Donc, c'est clair qu'on joue un peu le rôle de big sibling, grand frère, grande sœur, où est-ce qu'ils nous débarquent un peu toutes leurs émotivités, puis on y répond, en fait. Mais moi, je me demandais, tu sais, toi, Charlie, tu l'as fait quand même dans les écoles. Est-ce que, justement, passer la barrière de l'adulte, parce que toi, tu travaillais avec Heads and Hands. C'est tellement de la marbre francophone à prononcer. Oui, vraiment. C'est des H aspirés. Oui. Il y en a deux mains. À deux mains, Head and Hands. OK, parfait. Je pense que c'est une niaise aussi. Non, pour vrai, quand je disais mon adresse courriel, c'était healthed@headandhands.ca. T'avais mal à la gorge après. Tellement de H aspiré, puis qu'est-ce qui est au plug, qu'est-ce qui l'est pas. Quand je le disais en francophone, c'était comme « Hey, la gang, pour vrai. » Ouais. Fait que, comment ça se passait avec les adultes? Parce que c'est quand même un organisme qui est très queer, puis qui est très... Mais c'est ça l'affaire, c'est que les adultes, ils sont tout le temps down avec la réduction des méfaits jusqu'à ce qu'ils comprennent c'est quoi la réduction des méfaits. Ah ouais, hein? Mais c'est ça l'affaire, tu sais. Fait que moi... Ma manière de faire des compromis, c'était de dire que j'allais pas nécessairement amener certains sujets, mais que si les sujets étaient brought up, j'ai pas le choix d'y répondre. Effectivement. Mais ça fait chier aussi, tu sais, parce que tu peux pas dire à une école clairement, ben ils le feront quand ils seront prêts, nous autres, on fait juste donner des informations. Tu sais, il faut un peu que t'embarques dans le genre, il faut faire de la prévention, puis il faut qu'ils sachent pour qu'ils attendent vraiment le moment où ils soient. Pourquoi il y aurait à attendre? Pourquoi cette notion d'attendre? Pourquoi c'est précieux sa sexualité, puis qu'il faut la garder? Pourquoi on contribue au culte de genre la virginité, puis de préserver une innocence ou quelque chose? T'sais, comme c'est dans l'intérêt de qui ça? Mais c'est ça, fait que c'est sûr que le puritanisme ou la moralité des adultes entrent en ligne de compte, puis au final, mais c'est pas eux autres des experts. C'est-à-dire qu'ils font pas d'éducation sexuelle, fait que pourquoi il y aurait autorité sur ce que je peux dire, ce que je peux pas dire? C'est moi l'éducateur à la sexualité, c'est moi qui sais. La seule expertise qu'ils ont, c'est leur propre sexualité, puis souvent... Mais c'est ça, tu sais, puis souvent même à ça, c'est limité, tu sais, c'est correct, là. Ou pas, I wish them good. I wish them no wrong, mais tu sais, il y a quand même On est encore dans la société que l'on connaît, tu sais. Exactement. Puis c'est sûr que d'arriver comme genre this big beard of fag, genre c'est dans des commissions scolaires, tu sais, faut vraiment que tu aies un lien avec un prof cool qui te laisse. Parce que sinon c'est vraiment juste des respectability politics de genre parce que cause I'm too gay, genre je peux pas trop pousser parce qu'à un moment donné m'avoir l'air de quoi. Ça leur fait peur. Mais c'était cool, c'est que genre je traînais des bénévoles, fait que tu sais, comme dépendamment de quel bénévole t'envoie puis de qui se présente comment, tu sais, puis genre la majorité des gens étaient des femmes cis ou genre étaient red comme des femmes. Ça fonctionnait bien parce que quand c'est des femmes, c'est genre c'est du care, mais of c'est course, des préposés aux bénéficiaires. C'est dans leur nature innée, ça leur fait plaisir. C'est leur vocation d'être préposés aux bénéficiaires et enseignantes. C'est ça que la société leur réserve. Fait que là, ça, c'est un peu éducation, genre, je veux dire communautaire. On a parlé un peu d'Alter Ero, on a parlé un peu de main dans la main. Mais comme toi, June, que ce soit d'ailleurs sur Instagram ou sur ton podcast ou ailleurs, ta vie personnelle est très mise de l'avant dans ton éducation. Oui, oui, oui. Tu te montres très vulnérable sur la plupart des plateformes que tu utilises. Est-ce que tu sens que c'est justement pour passer à travers une autre barrière qui est... Là, oui. Je te laisse parler. 100%, 100%. Ouais. Je me rends compte même dans mon dans mon travail, en fait, la manière la plus facile, en fait, d'aller rejoindre les gens puis de leur faire partager, en fait, leur intimité, c'est d'être vulnérable par rapport à ton intimité. Ouais. C'est clair que je m'en garde des secrets, je veux dire, je suis quand même rising cancer, mais... Baby mysterious. Mais je pense que, malheureusement et heureusement, la meilleure manière de faire que les gens se sentent confortables avec toi, c'est souvent dans les écoles, justement, quand j'y vais, je vais automatiquement commencer à parler de ma transition, dire que je suis trans. Ne pas garder cette gêne-là. Sûrement toi aussi, tu cries que t'es une moon quand t'arrives dans les écoles. C'est plus qu'on abordait peu les enjeux d'orientation. Puis, moi, je tombe pas dans le Gris Montréal. Là. Moi, je parle pas de mon parcours. Oh. Ouais, non, moi, j'avais vraiment plus un truc de comme, ah, si vous voulez vous parler d'homosexualité, I can talk about homosexuality. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'au final, dans un setting de groupe, je crois moins en valoriser le parcours individuel parce qu'après ça, je trouve que ça met trop une pression à être un modèle acceptable, en fait. C'est vrai. Puis ça, c'est une grande difficulté des réseaux sociaux. Ouais. Mais tu sais, comme la façon dont moi je le vois, puis genre, je suis vraiment d'accord avec ton point parce qu'effectivement, puis tu sais, ça faisait un peu partie de ma question pour June, genre qui était comme à un moment donné, t'aimerais-tu ça être en pause d'être un éducateur sexuel? Parce que quand t'es tellement involved dans ton, dans ton travail, mais dans ta démarche, à un moment donné, c'est sûr que les gens te voient as de daddy sex guru of Instagram. Là. Oui, 100%. Mais je pense que il y a vraiment eu un gros parcours où est-ce que dans ma présence Instagram, j'ai commencé, au début, je travaillais en sex shop. Ouais. Donc je faisais plus de l'éducation sur les jouets sexuels, qu'est-ce que c'est, en parler. Jouer anal 101, blablabla. Ce qui était vraiment le fun, mais était beaucoup moins personnel. Puis je remarquais que les gens pognaient beaucoup plus parce que je pense qu'Instagram, les réseaux sociaux, les gens portent beaucoup d'importance à la vulnérabilité. Oui. Puis aussi comme à ce que les gens... La recherche d'authenticité, en la fait. Oui, il y a beaucoup de ça. Ouais. Mais ce que je trouve utile, entre guillemets, c'est que souvent l'éducation sexuelle, ça nous est présenté comme de l'éducation. Mm-hmm. Genre, il y a un corpus, on va vous apprendre les choses de la vie, du sexe, nanana. C'est un peu abstrait, tandis que justement, quand tu passes par un parcours personnel, des fois, ça fait réaliser aux gens qu'on en vit toutes des affaires sexuelles, bonnes et mauvaises. Puis c'est vrai que de manière casual, juste en checkant des stories de quelqu'un que tu follow, puis d'apprendre des affaires, t'es comme, ben oui, c'est vrai, on en a tout à apprendre encore. Tu sais, comme. Puis on se sent moins tout seul aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'un truc, je me souviens en fait que quand je travaillais en sex shop, le fait que. Ouais. La chose qui a fait que j'ai commencé à avoir une page Instagram, c'est qu'il y avait des queer famous, tu comprends, qui étaient venus au sex shop. Ouais. Puis de me rendre compte que ces gens-là ne savaient pas la différence entre du lubrifiant en silicone et du lubrifiant à base d'eau. Mais ça me dit, wow, June, en fait, t'as des connaissances. Moi, been there since day one. Là. Moi, j'ai vu ça blow up. Là, puis après ça, plein de comme, jouets de plein de couleurs arriver dans tes stories. J'étais comme, yes, this is lit. This is the content I want. mais c'est ça, mais comme l'éducation sexuelle, c'est un besoin qui est comme jamais priorisé aussi, c'est aussi une job méconnue puis dont on discute peu. C'est quoi les barrières communes ou les idées préconçues auxquelles on se heurte le plus souvent comme éducateur à la sexualité? Je dirais que le premier truc, c'est il n'y a pas vraiment de parcours scolaire pour être éducateur sexuel. Donc, je veux dire, il y en a, mais il y en c'est a... C'est ça, c'est-à-dire que tu sais, il y a seulement comme le bac en sexo, mais tu sais, la sexo, oh l'éducation à la sexualité... C'est pas la même chose, non, c'est ça. Puis, je veux dire... Mais en même temps, je pense que sexo, leur force, c'est de comme structurer des programmes. T'sais. 100%, oui, ils sont très structurés, mais je pense que c'est vrai qu'en termes... Ce qui est limitant, c'est que le programme change tellement peu rapidement. Puis, je veux dire, qu'on se le dise dans le queer aussi, le problème, c'est souvent les gens qui s'inscrivent. Ben, oui. Je veux dire, non, mais c'est ça, mais c'est très oui, puis en tout cas... On pourrait parler longtemps de la sexologie, mais la sexologie, c'est vraiment une posture entre très gros guillemets médicale. Mm-hmm. La sexologie est plus là pour régler un problème que de normaliser des situations. Du moins, ça doit être en train de changer tranquillement. Mais moi, pendant longtemps, quand je voyais des textes de sexologie ou la façon dont les sexologues que je connaissais s'exprimaient ou abordaient les sujets de sexualité, j'étais comme... on a vraiment l'impression qu'il y a des normes à respecter puis que vous voulez genre qu'on comprenne ces normes-là ou que... En tout cas... Puis je pense qu'il y a des affaires qui bougent, puis je pense que les gens justement qui font partie de communautés différentes qui sont dans l'intérieur du bac en sexo font vraiment changer les choses, puis je pense qu'il faut le nommer aussi. La plupart des gens cool que je connais qui sortent de sexo sont aussi des gens qui ont des vécu des positionnalités identitaires différentes. Mm-hmm. Positionnalité identitaire, ça sonnait vraiment comme genre radicalisé à droite. Là, genre. Mais non, mais tu sais, qui sont dans l'intersection de genre des trucs plus nice en termes d'identité que genre des filles straight blanches, parce que c'est beaucoup ça. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi qu'on dise à quel point, de toute façon, l'éducation sexuelle, c'est les queers qui la font depuis toujours. C'est une des notes que je m'étais mis, genre j'étais comme, c'est-tu moins au même niveau straight, c'est quand même les queers qu'il faut qu'ils éduquent. Ah mais oui, depuis toujours. Ouais. Je veux dire... Absolument. Puis, tu sais, on parlait beaucoup d'Instagram puis tout, puis, tu sais, moi ça me fait un peu rire parce que les milléniaux et la Gen Z, on est tellement sur nos téléphones, on est isolés, on se parle plus, on se voit plus, c'est la fin de la romance puis de la vie sociale. Avant dans le métro, ça se jasait. Ben oui. Mais justement, moi, je trouve que c'est le contraire quand on commence à parler d'éducation sexuelle. T'sais, c'est tellement pratique de pouvoir aller sur l'Instagram de quelqu'un. Personne ne t'a voué. Personne ne le sait que tu es allé là. Genre, si tu peux, si, en même temps, c'est correct d'avoir des questions ouvertes et d'en parler autour de soi, mais c'est pas tout le monde qui trouve ça facile de se garrocher dans le monde en disant « Je questionne mon genre et ma sexualité, tout le monde. Embarque avec moi dans ce train introspectif. » C'est pas de même que ça se passe pour la plupart des gens. On a besoin d'aller sur des endroits... Ça... Fait que je pense que, en tout cas, je pense que c'est une des grosses valeurs de le faire sur Instagram. Je sais pas ce que toi en penses, mais... Puis l'anonymat aussi, ça fait que, disons, quand je fais des sondages ou des stories, où est-ce que je demande aux gens de partager leur impression, leur opinion. C'est le fun, ça! Mais il y a plein de gens, en fait, comme je me rends compte que je peux parler de sujets qui sont vraiment plus crus puis intenses. Ouais. Puis que, en fait, les gens adorent donner leur opinion. Ouais. C'est un truc que, Oh my God. On savait, mais on sait encore plus maintenant, comme quand je fais des petits sondages de quel kink que tu préfères, tu comprends? Les gens répondent par centaines. Comme, je pense que ça fait que les personnes peuvent... Il y a des gens qui se permettent de m'envoyer des questions, qui me disent « C'est quoi ça? » Puis c'est generally intéressant à voir aussi, tu sais. Oui, t'es une des rares personnes que quand je vois, genre, tu sais, des fois, tu vois que ça va être une long story, là, tu vois toutes les petits tics en haut, je suis comme, celle-là va être bonne, celle-là, je la skippe pas. Mais sinon, moi, je pense que la principale idée préconçue sur c'est quoi des éducateurs à la sexualité, c'est qu'on va être des pocheurs de condoms, en fait. Ouais, ouais. Que, tu sais, on est vraiment juste là pour que les gens aient les pratiques les plus simples possibles pour leur dire qu'ils peuvent absolument jamais avoir un ou pas de condoms. Que les digues dentaires, c'est vraiment le fun, hein? Oui, c'est ça, tu sais. C'est ça. Mais non, mais moi, à un moment donné, c'est vrai que ça me faisait chier de comme qu'il y ait comme une espèce de consensus dans le milieu de nier le fait que, genre, avec ou sans une barrière, tu le sens. Il y a une différence. C'est un choix. C'est un choix que tu peux discuter avec la personne. C'est juste que d'être dans la négation quand quelqu'un dit « oui, mais ça feel différent », puis je trouve que c'est tout le temps différent quand c'est un gars straight entitled que quand c'est des gens à qui je fais vraiment confiance qu'il peut y avoir... de la discussion puis du consentement puis d'autres mesures, mais tu sais, je trouve que c'est même pour des hosties de bro straight, c'est pas en niant le truc que tu vas leur faire mettre des condoms, tu sais. Fait que je trouve qu'à un moment donné, la discussion ouverte puis la réduction des méfaits, oui, c'est plus de travail, mais tu sais, à un moment donné, genre. C'est une réalité. C'est ça. Puis je veux dire, même dans, comme, au milieu des. Qu'est-ce qui est en lien avec les jouets sexuels, comme quand j'ai une connaissance pas pire des jouets sexuels, ayant travaillé 3 ans dans un sex shop, ben. J'ai l'impression que sur Instagram, surtout, il y a une espèce de courant du sex shop féministe. Ouais. Une espèce de courant de la pureté des sextoys. Ouais. Comme les sextoys qui vont être le plus sécuritaire possible. Mais encore une fois, moi, je prends vraiment une approche qui est une réduction des méfaits dans le sens où est-ce que ça vaut pas la peine, quand tu veux essayer un nouveau sextoy, d'en avoir un à 250$ qui est comme vraiment comme top-notch. Mais tu peux en acheter un comme à 30$ qui va... Faire un excellent job. Là. Potentiellement, comme être de la marde, mais en même temps, est-ce que tu veux dépenser 250$ sur quelque chose que tu vas peut-être détester? Non, mais ça, là, c'est comme les bros straight de Laval qui commencent à faire du basic demain matin. Mais là, il y a un basic en carbone à 5000$ parce que c'est le même quand ça commence. C'est un peu la même chose avec les jouets sexuels. Tu as le droit de commencer, genre, low budget. Mais ça invisibilise aussi beaucoup les sex workers parce que, je veux dire, de plus en plus, il y a des sex shops qui sont juste pour les milléniaux, pour les, comme des trucs plus féministes, des trucs plus comme on veut des trucs en céramique ou en cristaux. Mais ça fait que les sex workers qui ont besoin de comme dildo cheap pour pouvoir en avoir plusieurs pour chacun des clients. Ça fait qu'ils peuvent plus en trouver comme pas cher. Ça fait qu'ils ont de la difficulté à trouver tout ça. Fait que je pense que... Ah ouais, il y a une genre de gentrification du sex shop. Ah ben, une énorme gentrification. Gentrification de tout. You name something. Am I surprised? Mais moi, je l'ai juste... Quand tu dis des sextoys plus chers qui sont vendus comme plus safe, on parle de, dans le fond, le matériel dans lequel ils sont faits qui vont moins avoir de chances de retenir quoi que ce soit qui pourrait être transmis, c'est ça? Fait que un matériel qui va être poreux vis-à-vis un matériel qui va être non poreux. Donc le plastique, le latex, tout ça, c'est des matériaux qui sont plus poreux, tandis que le silicone, la pierre, tout ça. Toutes ces affaires-là. La céramique, la vitre, ça va être plus cher en fait à produire. Et ça va être, oui, plus sécuritaire parce que c'est vrai que ça va pas être poreux, donc il y a moins de chances d'avoir comme un build-up de bactéries. Ouais. Mais en même temps, comme, ça coûte une hostie fortune. Ça coûte une hostie beurrée. Fait que moi, je vais pas commencer à dire justement à des personnes queer parce qu'on peut pas nier le fait qu'en tant que personne LGBT, les sextoys, en fait, sont une grande partie de l'expression de la sexualité. Ah, ben oui. C'est aussi une façon de pouvoir s'empouvoirer de la sexualité. Oui. Puis de commencer à aller dire à des personnes trans qui... comme en ont pas d'argent d'aller s'acheter des prothèses à 500$, ben puis je veux dire du 500$ c'est même pas des blagues, mais genre de c'est ça, on n'exagère pas là, 500$ c'est that's the price, c'est une réalité. Fait que je pense que c'est important de, comme on dit, de dégentrifier les sextoys puis de se rendre compte que c'est pour qui en fait, puis comme de le rapporter aux personnes LGBT puis de le rapporter pour moi personnellement comme aux personnes trans, parce qu'en tant que personne trans, les sextoys ça m'a tellement aidé à explorer ma sexualité puis à comme explorer ma dysphorie de genre, donc je pense que c'est important qu'on parle de ça. Excellent. Ça conclut bien le premier segment. Moi, je suis pas satisfait du premier café qu'on a eu. J'en veux toujours plus. Je suis caféino-nymphomane. Ça se peut-tu, ça? Girl, you made up that shit. Ben, you made up that shit. I don't know. Comme tout le reste, je suis même pas gay, c'est juste pour le fame. Ah! Parfait. On revient dans 20 secondes. Ouais. De retour avec June Pilote, notre épisode spécial éducation sexuelle dangereuse et dépravée. Quand on parle d'éducation sexuelle, souvent on pense que c'est nécessairement destiné aux ados, mais comme on en a discuté dans le segment précédent, souvent comme adulte, on est cloulé sur certains sujets puis ça fait jamais de mal de s'éduquer. Oui, je pense qu'on n'arrête jamais d'avoir besoin de s'éduquer, mais toi et Charlie, moi c'est ça l'affaire, je vous laisse un peu plus la parole parce que je ne suis pas un éducateur sexuel. Non, seulement pratiquant. Moi j'ai bien étudié par contre, j'ai beaucoup étudié. Mais non, plus là. C'est vrai. C'est bien, on est safe pour la pandémie. Oui. Non, je veux juste... Pas si horny, moi je vais revenir à ça, les gens pour horny puis la pratique de la non-sexualité, mais tantôt. Mais vous, là, qui avez fait face à l'ignorance de façon constante, qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Une question que les gens avaient, quelque chose que les gens ne savaient pas, genre un mur que vous avez frappé, vous étiez comme « je peux pas croire, hostie ». Mais moi, c'est vrai que dans les écoles secondaires, j'avais eu souvent « je peux-tu tomber enceinte en avalant ». Puis j'étais comme « wow, ça, c'est pas « cleared out », genre. Non, vraiment. Puis tu sais, encore maintenant, sinon moi, quelque chose qui me fait quand même capoter, c'est les jeunes qui sont comme « c'est-tu dangereux de se masturber? Ah ouais? J'ai-tu un problème? » Puis je suis comme « hey, pour vrai, laisse crosser, sans angoisser. » C'est la recherche de la virginité, les jeunes personnes qui sont affables. Assigned female at birth, tu vois, comme, est-ce que j'ai pris mon email? Est-ce que j'ai genre, est-ce que c'est parce que je fais trop de vélo, je vais plus être virgin? Ouais. C'est comme des trucs. Tu sais, je pense que tout ça, c'est dû, parce que tu sais, on dit, il n'y a pas beaucoup d'éducation sexuelle au Québec. Techniquement, là, peut-être moins quand t'es très jeune, mais on parle de sexe tout le temps. Il y a du sexe partout, à TV, dans le porno, nanana. C'est pas tant qu'il n'y en a pas que. Parce qu'on en parle qu'est-ce mal, là. Qu'on dit sur la sexualité? Comment qu'on parle de sexualité, genre? Ouais. C'est souvent ça qui est le problème, là, parce que justement, là, quand les gens se mettent à penser que se masturber, ça peut être un problème dangereux, c'est qu'il y a un gros discours moral sur la sexualité. Non, non, c'est, qui le traîne de, c'est le produit de notre société. Là, c'est pas, J'ai un petit anecdote sur ça. Ah, oui, donc? Je veux dire, j'étais dans un truc de communautaire, un congrès, puis il y avait plein de gens qui niaisaient ensemble, des adultes, tu comprends, qui travaillent. Je pense que c'était un congrès comme en itinérance puis en travail de frontline. Okay. Puis il y avait trois personnes qui étaient comme... On était à l'hôtel parce que quand on travaille dans le communautaire... Quand on travaille dans le communautaire, on vit la grosse vie sale. La grosse vie sale. Puis là, ils étaient comme... Oh, mais on devrait faire comme un threesome dans notre lit. Genre. Puis là, ils niaisaient ensemble de genre comment ils pourraient faire des threesomes. Puis là, ils faisaient des blagues un peu comme de sexe à plusieurs. Puis là, moi, j'ai comme arrivé puis j'étais comme... Ah oui, c'est vrai que vous pourriez comme... Ça se fait bien. Vous pourriez, vous avez un lit queen, vous pourriez faire ça à 5. Puis là, il était comme 5. Oh, wow. Puis là, j'étais comme, j'essayais de leur parler. J'essayais d'aller chercher plus loin un peu, de comme voir leur expérience en sexe de groupe. Puis tout à coup, ils sont tous fermés la gueule. Puis j'étais comme, c'est un peu ça. Genre, les gens, ils sont vraiment confortables de faire des bonnes blagues. Mais dès qu'on commence à parler de. De comme réalité. Mais c'est comme jouer à Je n'ai jamais avec des straights ou avec des queers. Oui, là. Mais c'est ça. Ouais. Avec des queers, c'est plate en esti. Tout le monde est comme, ben oui, je vais boire. Parce que les straights sont comme, qui c'est que déjà? Genre, tu sais. Non, moi aussi, quand je parle de sexe avec une personne straight, souvent, on se rend compte de l'étendue désertique qui nous sépare. Là, c'est malheureux. Ça va pas. Sinon, moi, j'avoue que spécifiquement, les hommes gays, des fois, je suis comme un peu flabbergast de genre, tu sais, des trucs simples, genre, se doucher ou se préparer avant de se faire fourrer. Genre, c'est pas quelque chose que tout le monde sait comment faire. Puis Dieu merci, il y a comme des dank Facebook groups où les gens comme Skillshare, plein d'affaires, puis qu'il y a des petits documents, puis il y a des petites affaires. Mais en même temps, je suis juste comme, ben, c'est vrai qu'on parle jamais d'anal, surtout moins aux hommes. Puis à un moment donné, ben, tu sais, puis là, ceux qui vont chanter le gospel de genre, ne vous douchez pas, ça vous devriez pas, moi, je me douche jamais, puis ça se passe tout le temps bien. Good for you, bitch, je suis tellement content que t'es puristes, pas. Oui, mais non, mais comme, good for you, mais tu sais, je veux dire, moi, j'aime ça savoir que tout est beau. Fait que, mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, c'est vrai que c'est être in touch avec ton corps d'une manière assez particulière, puis que c'est pas pareil pour tout le monde, puis tu sais, comme, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce qui est mieux, aussi des trucs de prévention de, comme, calise-toi pas de l'eau dedans, comme s'il y avait pas de lendemain, tu sais, y aller lentement, gentiment, pour pas te perturber le système, tu peux vraiment te blesser, tu peux vraiment, comme, tu peux penser que c'est correct. Il y a tellement d'affaires qui peuvent se passer. Il y a des levels et des levels et des levels. Mais c'est ça. Puis en même temps, ben, je veux dire, je comprends qu'il y a plein de monde qui ne savent pas encore comment. Genre, même comme adultes, ils sont juste comme, listen, I don't fucking know, tu sais. Mais genre. Puis je dirais que chez les Gwyn, où est-ce que j'ai plus une expertise de Gwynerie dans ma vie, je dirais que complètement une inconnaissance, en fait, d'ITSS ou une inconnaissance de comme l'idée que quand tu as deux personnes avec. Avec des vulves qui couchent ensemble, il y a l'impossibilité, dans le fond, de se passer des TSS. Ce qui est complètement faux. C'est complètement faux, bien sûr. Je veux dire, j'ai bien sûr que j'ai eu la gonorrhée. Mais, comme... mais bien sûr. Mais bien sûr, quoi. C'est sur nos passeports homosexuels, le stem de la gonorrhée. Mais non, mais c'est clair que. Puis je dirais que aussi on parle un peu de comment l'éducation sexuelle avec les adultes, tout ça. J'ai l'impression qu'avec ma page, j'ai beaucoup de gens qui viennent juste de faire leur coming out. Ouais. Puis il y a tellement de peur. Puis je veux dire, il y a tellement de comme appréhension, de comme avoir l'impression qu'ils savent plus comment, qu'ils sont des nouvelles new virgins. Puis comme je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent juste de faire la connerie bisexuelle qui ont une peur absolument bleue, en fait, de comme devoir recommencer. Puis je pense que ça montre, je veux dire, la sexualité, c'est pas comme un truc où est-ce que tu achieves des choses. C'est à chaque fois que tu couches avec quelqu'un de nouveau, ben. Tu réapprends un peu tranquillement. Oui, c'est ça, parce que la poésie. Si on se posait la question, est-ce qu'on arrête une manière d'avoir besoin de l'éducation sexuelle, mais c'est jamais, clair qu'on n'arrête jamais. De la même manière qu'on n'arrête jamais d'explorer sexuellement. Exactement. Enfin, sauf moi, j'ai tout arrêté ça. J'ai pris ma retraite. Là. Bon, okay. Mais c'est comme les foyers de personnes âgées où il y a un besoin criant d'éducation sexuelle, en fait, parce que dans leur génération, on en a eu encore moins. Puis là, la plupart sont veufs ou veuves, fait qu'à wait, tu sais. Puis là, ils sont juste tout en gang, puis je veux dire, ben oui, ça se passe. C'est juste que là, c'est tabou parce que c'est des aînés, fait que là, on leur en parle pas. C'est juste que là, ben, il y a clairement des. Il y a des gonobes, des clams qui rentrent là-dedans. Ben oui. Puis genre, c'est ça. L'utilisation des personnes aînées. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, mais tu disais que tu avais beaucoup de queer adultes que tu suivais sur Instagram. Puis c'est ça, fait que ton contenu est vraiment plus dirigé vers un public tous âges. Il n'est pas nécessairement jeunesse sur ta page personnelle. Fait que je m'en allais vraiment vers la question sur laquelle on parlait en ce moment. Au moins, t'es mais comme personne queer et trans, on est souvent les grands oubliés du peu d'éducation sexuelle qu'on soit à l'adolescence. Alors qu'on prodigue toute l'éducation sexuelle. Ça, on mentionne à peine le sexe queer, puis on embarque encore moins dans les technicalités de comment ça fonctionne. De quoi on dispose comme outil pour essayer de changer ça? C'est ça. Mais je pense que les réseaux sociaux, bien sûr, je veux dire... C'est la place où est-ce que les queers vont se partager. Je veux dire, avant, c'était Reddit, n'est-ce pas? Avant, c'était les babillards. MySpace. MySpace, tu comprends? Mais je pense que maintenant, comme... Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune... Caramel. Tout ça. Je pense que quand j'étais jeune... Slush.com. Néopète. Alors, mais c'est certain que... comme on parle pas de nous, on parle pas de nos réalités à l'intérieur du curriculum scolaire ou à l'intérieur de la télévision ou à l'intérieur de peu importe, c'est clair qu'il faut se réapproprier ça. Puis c'est fou de se dire que des gens comme nous, qui je veux dire on a 30 ans et 32 ans, ouais. Je veux dire, c'est complètement fou de se dire que c'est nous qui apprend à des jeunes, je veux dire, de comment vivre leur identité. Je trouve qu'il y a comme un espèce de concept où est-ce que dans la communauté queer, il y a tellement peu de passage de connaissances, puis tellement peu, en fait, de comme... L'éducation queer est tellement pas parlée à l'extérieur des bulles queer qu'à 30 ans, on devient un peu comme des aînés qui commencent à apprendre aux plus jeunes. Tu sais, l'affaire avec ça, c'est que quand t'es hétérosexuel et cis, tu te poses pas de questions. Mais non. Ça se fait comme tout seul, entre guillemets. Puis encore là, j'ai mis les guillemets parce que c'est dangereux de se dire ça se fait tout seul parce que c'est justement là où tu cumules des ondes d'ombre, des angles morts, des choses que tu sais pas. Puis ça se fait à peine dans d'une manière super normie puis chargée de morale. Puis je veux dire, fucked up anyways. Mais c'est ça. Quand t'es queer, tu commences avec une question soit de genre, soit d'orientation sexuelle, une des deux. Fait que, ou les deux. Parce que tu peux très bien être trans et avoir une autre orientation sexuelle que hétérosexuelle. Mais genre, j'imagine un peu que des fois c'est ça que j'ai envie de dire au monde, genre j'ai dit il manque jamais d'éducation, les outils sont là, ils sont tous partout. Ce qui manque c'est le désir de s'éduquer, qui devrait être à peu près, puis c'est vrai pour n'importe quelle lutte là. Là on a la lutte pour l'éducation sexuelle, mais c'est vrai pour tellement d'affaires. Mais je trouve que ce qu'il y a de beau là-dedans des fois, c'est que comme l'info vient du vécu des personnes qui sont share, je trouve que c'est plus reliable, en fait. 100%. Tant qu'on prend pas l'expérience de tous et chacun comme vérité, mais qu'on garde en tête que c'est des expériences, tu sais. Fait que, puis c'est all over the internet, parce que je pense que la première ressource, c'est les internets, après ça, c'est rencontrer du monde, puis une communauté, mais en même temps, je trouve que c'est un couteau à double tranchant dans la mesure où l'internet puis l'écrit, c'est plus froid puis figé, puis quand il y a pas de contexte de communauté, ça peut être compliqué à comme tout prendre puis process. Fait que je pense qu'il y a aussi de ça qui est un downside. Puis sinon, c'est vraiment dur aussi d'avoir des ressources internet où tout est regroupé. Genre, Alter Hero fait déjà vraiment un bon travail de trier par question, question-réponse. Puis je pense que c'est bien organisé. Mais en termes d'organiser l'information sur internet, il n'y a personne qui va organiser toute l'information du monde. Personne. C'est ça, là, tu sais. Puis je pense aussi que comme en tant que personne queer, comme on n'a aucune connaissance, comme le sexe hétérosexuel, c'est un peu... je sais pas, mais moi je me souviens quand j'ai mes premières expériences hétérosexuelles, c'était un peu comme on ne posait pas de questions, ça se passait. C'était comme c'était naturel. Tandis que quand on est des personnes queer, comme on parlait plus tôt, c'est pas naturel pantoute. Fait qu'il faut genre quand il faut comme son demande, n'est-ce pas? Fait que je pense que ça fait aussi qu'il y a des l'approche du sexe hétérosexuel est beaucoup comme dans la recherche de la vérité ou dans la recherche de qu'est-ce qui est normal, dans la recherche de qu'est-ce qu'il faut faire. Tandis que j'ai l'impression que souvent on approche le sexe queer comme ça aussi. Mais l'éducation sexuelle queer, c'est de déconstruire ça. C'est pas de trouver des réponses, c'est de détruire, de poser des questions. C'est ça, c'est complètement l'inverse. Il faut s'éduquer quand même. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on part d'un je ne suis pas, je ne fais pas. Tout le temps. Plutôt que. Parce qu'en plus, souvent, on l'a dit, puis on va le répéter un million de fois, mais il y a si peu de représentations. Ne serait-ce que homosexuel, deux hommes cis, là, juste ça. Qui n'est pas un gros step en matière de queerness, là, on va se le dire. Là. C'est vraiment pas le bout de la merde. Puis on parle de sexe aussi, mais je veux dire relations romantiques, je veux dire polyamour, relations ouvertes, kink, blablabla. Je veux dire, tous ces trucs-là, ça vient aussi de l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, c'est l'éducation sexuelle. C'est pas juste le sexe, là. C'est aussi les relations intimes. C'est tout ça. Puis c'est aussi. Là, je prêche pour ma paroisse en tabarnak, mais c'est aussi ne pas avoir de sexe. Exactement. Parce que souvent, l'éducation sexuelle, quelle qu'elle soit, queer ou non, est basée sur le fait qu'on a tous et toutes une sexualité active et que ça se passe et que c'est un continuum. C'est important que les gens sachent que tu peux prendre une pause. 100%. Mais c'est fou l'espèce de tension entre genre, il faut que vous attendiez le plus longtemps possible parce que si vous faites ça, vous avez moins de respect pour vous comme personne. Mais une fois que c'est commencé, là, on ouvre les valves. Puis, tu sais, t'es juste comme, mais non, je veux dire. Puis c'est ça aussi que des fois, qui est weird avec l'éducation sexuelle où on tient pour acquis que tous les adultes ont une sexualité active, puis t'es comme, ben non, tu le sais pas. C'est pas tant tout, Puis c'est aussi ça. L'espèce de truc de, il faut t'attendre le plus longtemps, mais là, quand tu commences, si t'attends trop longtemps, c'est pas normal. Si t'as pas de désir sexuel, c'est vraiment faut pas normal. Combler nos besoins. T'es comme c'est ça, vraiment. De quoi on aurait voulu se faire parler comme baby queer? Genre, qu'est-ce qui nous aurait déstressé solide, là? On est dans le moment RuPaul où on sort le gros Chris de cadre. Oui. Comme, qu'est-ce que tu dirais à jeune Jess? My God. Moi, là, c'est tout ce que j'aurais aimé savoir. Vas-y. J'aurais aimé ça savoir que c'est correct d'être gay puis pas aimer ça faire du sexe anal. Ben, me faire pénétrer. Voilà. J'aurais aimé ça savoir que, parce que quand t'es dans un milieu hétéro, la vision que t'as du monde sexuel gay, c'est que c'est tout des bottoms. Quand t'écoutes un straight parler des homosexuels, on se fait tous enculer. Par qui? On sait pas. Il reste plus personne. Listen. Il reste plus personne. Tellement que le mot enculé signifie dans le langage commun. Je suis content qu'on l'adopte moins au Québec quand même. Je trouve ça Ouais, en dans France, le ça se dit plus. Ah, culouille. Mais genre, j'aurais aimé ça qu'on m'explique top, bottom, des affaires de même. Genre, qu'il n'y a pas un carcan précis dans lequel il faut que tu fites. Que tu as le droit de sortir de ce carcan-là. Ben, c'est ça, exactement. Moi, je pensais l'inverse. Moi, j'aurais vu qu'on me dise comme girl. Getting fucked is fun. Ah, oui, mais ça, on me le disait pas ça non plus. Mais c'est ça, oui, c'est ça aussi. Il y avait une obligation de se faire fuck ici. Sans qu'on me dise que c'est le fun. C'était le fun ou non, mais c'est parce qu'on sent tout, c'est parce que c'est la même pression aussi. Mais là, toi, tu viens de te l'ont dit que c'était le fun, tu l'as dit au début de l'épisode. Oh, donc, mais, ouais, elle m'a pas dit toi. Toi, là, non, mais c'est vrai. OK, fait que là, fallait te le dire à toi. Fallait mettre à moi, typiquement. Non, mais je pense qu'il y a plus un truc où, genre, c'est vrai que d'un côté ou de l'autre, il y a comme une pression quand t'es queer, étant donné qu'il n'y a pas un rôle défini pour toi comme personne, de par ton genre, de comme trouver du confort, soit dans l'un, soit dans l'autre, comprendre, nanana. Alors que s'il y avait... Si on pouvait en parler de sexualité gay, puis c'était juste comme il n'y a pas de pression, faites ce que vous voulez, c'est le tout peut être le fun, faut juste que. Tu sais, là, ça enlève bien les affaires. C'est ça, pour non seulement apprendre que tu as le droit de ne pas te faire fourrer, mais que tu peux aussi ne pas diviser la communauté queer entre top et bottom. Mais genre, oups, le step d'après. Exactement. Là. That is verse of erasure. mais je pense que pour vrai, OK. Puis je pense que pour vrai, saison 2, on radote. Là. Je pense que j'en ai déjà parlé. Mais moi, on aime ça le radotage. J'aime assez ça. Mais moi, pour vrai, là, si je pouvais juste dire à des jeunes bitches, poppers. Ouais. Just get yourself some poppers. Ouais, si t'es stressé, là. Si t'es stressé. Parce que, mais puis aussi, moi, c'est déjà qu'on n'explique pas les membranes, genre, que, comment ça fonctionne, puis que ça se stretch, mais que oui, of course, il y a des micro-déchirures. Fait que ça peut faire un peu mal. Avec le coup, tu t'habitues. Puis là, ben, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'on insiste juste sur le fait que, comme la première fois, ça fait mal. Ouais. Mais tu sais, pourquoi ça fait mal la première fois? Pourquoi ça ferait mal? Ça peut ne pas faire mal aussi. Pourquoi il faut que ça fasse mal aussi? Il y a juste tellement de complexité avec ça. Okay. Anyways, moi, je suis juste comme, girl, if you stressed, poppers. Ouais. Calm the fuck down. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va te dilater. Ouais. Tout va être possible de te dilater. Anyways, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais apprécié de faire. Là, June. Moi, je pense que qu'est-ce que j'aurais aimé? Plein de choses que j'aurais à dire à bébé June. On regarde une photo de bébé June. J'aurais aimé ça lui dire que... que la chose la plus difficile que tu vas avoir à accepter, c'est que le désir sexuel, ça change et ça va et ça vient. Ouais. Et que tu peux être attiré sexuellement envers plein de gens, en fait. Ouais. Puis qu'il ne faut pas que tu te laisses avoir par la rigidité des genres ou de la monosexualité. Ouais. Puis que vraiment, il faut que tu apprennes à let go. Puis genre, c'est correct que tu sois attiré par plein de choses ou pas attiré par plein de choses. C'est correct que tu as envie de baiser vraiment comme un malade pendant un moment. Ouais. Et pas du tout pendant un autre moment. Voilà. Fait que genre, juste de sortir, parce que j'ai l'impression que la sexualité, l'éducation sexuelle est très rigide. Oui. Puis moi, personnellement, la chose la plus difficile de déconstruire ma propre vision de l'éducation sexuelle, c'est de briser cette rigidité-là. Ouais. Que c'est pas parce que tu dis que tu es lesbienne que genre, tu vas tout juste avoir comme tout ça, toute l'espèce de rigidité complètement comme... intense. qu'on nous inculque un peu plus la fluidité. Exactement. Exactement. Moi, pour vrai, là, j'aurais tellement aimé ça qu'on m'explique l'industrie de la pointe plus tôt. Genre juste comme... pour un changement de carrière ou pour... non, plus dans un truc de comme... Tu te fais juste dire vraiment jeune, la pointe, c'est mal. Ah, ben oui, mais ça. Oui, mais c'est ça, mais juste comme... On en parlait avec Mathilde la semaine passée. Mais l'industrie... Il y a tellement de blâme sur la porn. Puis l'industrie peut être critiquable à plein d'égards. C'est juste que comme ramener les, comme, comment l'industrie fonctionne, qui les studios embauchent, comment ils ne payent pas assez leur monde, comment que tout se retrouve leaké sur des sites de stream et qu'au final, ils ne font pas l'argent qu'ils devraient faire, comment que c'est une job précaire, comment que... Genre, puis tu sais, si on pouvait... Imaginez si on pouvait juste parler de sex work. Ben c'est ça. Oui, déjà, c'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Parce que là, porno, là. Parce que là, on fait juste culpabiliser les gens d'en consommer, mais tout le monde en consomme. Mm-hmm. C'est tout le monde a cette curiosité-là. Ouais. Tout le monde veut voir le monde fourré. Alors, je pense, ça va, on a compris ça. Tout le monde a un malaise de comme aller chercher la porno. Oui, c'est ça, tu sais. Ah, mais comme disait Michel Foucault, un tabou, elle a chanté Michel Foucault, c'est prétentieuse. Ah, ouais. Il disait, un tabou, c'est pas ce dont on ne parle jamais, c'est ce dont on parle tout le temps pour dire qu'on peut pas en parler. Exactement. Genre, on ne fait que répéter, genre, comme j'ai couché avec quelqu'un hier. Oh my god, je suis tellement. Je suis spicy today, je vous raconte que j'ai vu quelqu'un. Puis là, généralement, le récit, c'est j'ai vu quelqu'un, on a couché ensemble, là, on n'a pas de détails, puis c'est plate, non? Ouais. Non, moi, je veux des détails. Fait que sur cette recherche de détails, on va aller. Moi, j'ai besoin de plus de fluide dans mon corps, fait que ça va aller me prendre un autre café. Un café bien détaillé. Très important. Un latte là, avec un beau dessin du génital de votre choix. Oh! Ouais. Ben oui. Voilà. On revient dans 20 secondes. Salut! Donc, on a eu nos cafés avec des beaux genitals en mousse. Moi, j'ai amené un screenshot de... Vous vous rappelez Puppetry of the Penis? Dans le temps que ça, oui. Ça jouait sur le câble, ça. Oui. Moi, j'aurais tellement voulu pogner, j'arrivais jamais. Je sais pas si c'était payant ou si c'était comment ça fonctionnait ou si c'était moi qui étais clouless, mais pour eux, je voulais tellement voir des pénis. Oui. Et que je voulais voir des pénis. En forme d'hamburger, de Tour Eiffel, de... Ah oui. Tu sais, ouais. Je pense que quand j'ai eu accès à juste des pénis, je pense que j'avais pas besoin des hamburgers de la Tour Eiffel. Je pense que je suis quand même curieux de voir comment ça se passe. Là, mais... ben, c'est... Non, c'était vraiment un show... Artistry. Oui. Donc, June, sur ton compte Instagram perso, tu prends beaucoup de temps pour créer du contenu éducatif sur la sexualité queer et aussi sur les réalités trans, la grossophobie, une foule d'autres affaires pertinentes. C'est un travail souvent peu reconnu parce que le fame et l'influence deviennent une nouvelle monnaie d'échange sur les réseaux sociaux. Puis juste d'avoir un gros following, ça devrait être une récompense en soi. Fait que la question au bord de toutes les lèvres, telle une écume scintillante... est-ce que c'est un investissement payant au sens propre et figuré de choisir les médias sociaux comme plateforme d'éducation? Non. Parfait. Mais je pense que c'est encore plus compliqué avec l'éducation sexuelle parce que c'est clair que quand on parle d'éducation par rapport à d'autres éducations qui ne sont pas nécessairement censurées de façon abondante sur les réseaux sociaux, je dirais que c'est encore moins payant de parler d'éducation sexuelle sur les réseaux sociaux parce que tu ne peux pas avoir de partnership, tu ne peux pas avoir de recevoir d'argent par rapport à ça. Mais de toute façon, les réseaux sociaux, ce n'est pas une place où est-ce que tu vas te faire la palette. C'est plutôt une place où est-ce que tu vas... Chris a boissu. Je m'excuse, mais les podcasts, ce n'est pas payant, gang. Mais... ça paye-tu, ça paye-tu ça pas? Ça paye pas. Je dirais que ça paye comme beaucoup en sextoy. Est-ce que tu peux payer ton loyer avec des sextoy? Ça dépend du proprio. Mais sinon, au sens figuré, est-ce que tu trouves que c'est payant en termes de retombées, de genre comment que ça, le message se rend, puis de ce que ça peut faire aux gens? Mais je dirais que oui. Un gros truc que j'ai, moi, c'est d'essayer de gérer la retombée que ça fait sur les gens, de comment je vois que ça a une influence positive sur les gens, mais aussi par rapport à... Est-ce que c'est une mauvaise influence sur moi? Donc, je pense qu'il y a un moment donné où est-ce que je suis allé trop loin, où est-ce que je répondais aux questions de tout le monde, où est-ce que je passais vraiment beaucoup trop de temps à rentrer dans l'intimité des gens, devenir un peu comme un thérapeute du dimanche. Puis c'est pas quelque chose qui me fait du bien. Je veux dire, j'aime toujours aider les gens. Je veux dire, on est tous codépendants, mais... mais il y a un truc aussi où je comprends que pour les gens, étant donné que t'es comme une figure de leur quotidien, qui te voient de manière authentique et tout, ils ont l'impression qu'ils ont comme accès à toi de cette manière-là, puis que, tu peux pas être ça pour tout le monde. Non, puis c'est difficile, je veux dire, le moment où est-ce que y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des problèmes de violence sexuelle qu'ils ont vécu, ou des gens qui viennent me voir avec leur coming out, avec leur dysphorie de genre, avec des problèmes de sexualité, etc., etc. Je veux dire, c'est beaucoup apaisé. Ouais. Puis je pense que je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée des meilleures limites avec moi et mes réseaux sociaux. Le jour où je n'étais plus capable, en fait, de donner de l'empathie aux gens autour de moi. Parce que j'en donnais trop aux gens en ligne. Mais ça, en tout cas, moi, je te feel parce que, je veux dire, on n'a pas ton following, puis je comme pas d'autres mots, mais on n'a pas ta mission, entre guillemets. Et oui, on fait de l'éducation queer politique à deux fifs le matin. Mais quand même, vous recevez des messages de gens qui... Mais c'est ça, il y a des gens qui nous écrivent, qui nous parlent soit d'un problème, soit de leur coming out à venir, ou qui est en train de se faire, ou des affaires comme ça. Puis je sais pas comment toi tu te sens par rapport à ça, mais des fois, j'ai un peu l'impression, je suis comme, bon, nous, on s'est quand même auto-proclamé podcasteur, on a décidé qu'on sortait ça dans l'univers. Je sens des fois qu'on a comme une responsabilité, puis en même temps aussi, je suis... Tu sais, genre, jamais je vais dire quelque chose comme « Ah, le monde qui nous écrit sur Instagram, ça nous gosse. » Genre, je vais jamais chialer parce que du monde qui aime ce qu'on fait puis qui trouve que ça a de l'allure puis qui sent qu'il peut venir nous parler. Parce qu'en plus, je pense qu'on l'a tous et toutes vécu, les queers, c'est qu'il y a un moment donné où tu as besoin de parler à quelqu'un, whoever it is. En même temps, de l'autre côté, comme je te dis, moi, j'ai pas ton following, je pense pas que j'ai atteint... Je ne sais pas pour toi, Charlie, mais je pense pas qu'on a atteint une limite à qui on peut répondre. Là, c'est pas, y a pas une déferle de messages sur nos affaires. Surtout que c'est toi qui gère les DM. Fait que c'est toi qui sais si on atteint la limite. Là. Mais moi, qu'est-ce que je trouve que ça fait, c'est comme, je veux dire, je suis vraiment content que les gens se sentent confortables de venir me voir, mais je trouve que ça met la lumière sur un problème de société qui est plus gros. Oui. À quel point c'est triste que je sois la première personne que personne... pense à aller voir lorsque la personne vit. Moi, je trouve pas ça triste. Non, c'est pas triste. Que tu sois la première personne. C'est pas triste. Je veux dire, c'est très heureux. Ça serait triste si c'était Jess. Là, non, c'est... I quit. Mais ça montre à quel point les identités queer ou tout ce qui a rapport avec la sexualité, c'est pas quelque chose qui est vu comme précieux dans la société. Oui. Ou c'est pas quelque chose qui est vu comme un travail qui vaut la peine ou comme peu importe parce on devrait, quand on va pas bien, avoir accès à de l'aide gratuite. Oui. On devrait, quand on se questionne sur notre genre, être capable d'aller chercher quelqu'un qui nous aide. Oui, oui, oui, oui. Là, je me retiens de rire parce que Charlie vient de me read, là, quand même. Ouais, c'est ça. C'est juste que, après ça, j'étais comme, y a-tu vraiment tort? Charlie est arrivé dans ma cuisine tantôt, puis il a dit, ah, là, ma vie, c'est de la merde. Puis j'ai juste répondu, ouais, mais ça changera jamais. Ah, oui, c'est vrai! Oui, c'est vrai! Je suis comme, love my girl. Love my... At least she's real. Listen, she's real. Mm-hmm. Mais, attends, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu disais avant? Ben, je parlais de comment... D'à quel point on est responsable ou pas d'aider les gens. Mais c'est ça, mais pour vrai, j'aimerais ça... Moi, c'est ça qui me tue aussi, c'est que n'importe quel intervenant dans une école secondaire va dire, ah, moi, pour vrai, là, un élève trans, un élève gay, moi, je peux faire une intervention. Moi, j'ai pas de préjugés, moi, tout va bien, mais comment ça se fait qu'ils vont pas les voir? Comment ça se fait qu'ils vont pas les voir? Ouais. Les jeunes savent mieux qu'eux autres. Oui, 100%. Souvent, comme, ouais. Comment ça se fait que t'es capable d'intervenir auprès des coming out comme ça, mais qu'il y en a aucun qui vient te voir, puis qu'ils préfèrent aller voir des pères ou genre des personnes queer plus vieilles? En tout cas, qui sont ouais. pas confortables avec toi. Ben, c'est ça, tu sais. Demande-toi ça. Fait que je suis comme, peut-être que t'as des steps de plus à faire. Genre, I don't know, girl. Moi, j'en reviens un peu sur les réseaux sociaux. Je vois un peu la question de Charlie, mais ça rentre dans la conversation. Ah, ouais. C'est un peu compliqué de savoir ce qui est permis ou pas sur les réseaux sociaux. C'est pas très constant. Je me demandais comment tu dealais avec tout ce qu'il y a en lien avec le shadow banning, le vous n'avez pas respecté les règles de communauté. C'est-tu comme un struggle day-to-day ou. Toi, ça va, j'en ai dit le dos, ça passe. Non, c'est un struggle des vidéos, c'est certain. Quand ça a commencé, le shadow banning a été beaucoup plus intense. J'ai complètement arrêté, en fait, de poster des trucs en lien avec le sextoy parce que ça marchait plus. Puis, ah ouais? Hold up. Faut juste pour mettre au clair, c'est quoi shadow banning? Oh, ouais. Tout le monde comprend. Ben, bien sûr. Shadow banning, qu'est-ce que c'est? C'est que comment les algorithmes, et ils disent les algorithmes, les réseaux sociaux font que tout ce qui est en lien avec... ils disent la sexualité ou les actes sexuels va être enlevé des internets. Ouais. Ou que ton reach va être descendu. Donc, si moi, je poste quelque chose avec la nudité ou avec un jouet sexuel, ben il va y avoir moins de gens qui vont avoir accès à cette information-là. Fait qu'au lieu de popper dans ta story, t'es obligé d'aller sur le compte de la personne consommer ce contenu-là. Ou les gens, comme moi, ça m'est souvent arrivé où est-ce que les gens peuvent pas me trouver sur les réseaux sociaux. Ah ouais! Parce que quand on tape mon nom, ben, j'existe plus. Parce que En fait, c'est vraiment d'empêcher les gens d'être capables de te trouver. Mm-hmm. Ils font ça pour des hashtags aussi. Ouais. Surtout des hashtags de pole dancing, mettons. T'sais, ah ouais, okay. Ben, les pole dancers, ils se montrent des moves sur Instagram, puis ils suivent des accounts de pole dancers, puis ils ont des hashtags de pole dance. Mm-hmm. Puis là, c'est trop sexualisé, fait que là, ils shadowban ça. Sinon, comme dans le fond, tout ce qui est genre féministe, puis empowerment, mais qui touche à la sexualité, parce que quand c'est juste weird. T'sais, des porn stars qui mettent pas de contenu sur leur Instagram, qui font juste être des porn stars sur Instagram, vont se faire shadowban. Genre, c'est vraiment dans un truc très de jugement moral. Ouais. Comme par hasard, quand c'est des femmes ou des personnes queer, c'est comme plus Oui, il faut dire aussi que les corps gros, que les corps noirs, que les corps des personnes racisées sont souvent beaucoup plus shadowban. Est-ce que t'es en train de me dire que le racisme est systémique? Mais ça dépend aussi de comme qui se fait report aussi. Puis genre, on s'entend que les gens sont très mobilisés à report any goddamn fucking feminist. Ah, les haters gonna hate, là, for real. Ouais, c'est ça. Les masculins, ils sont mobilisés. Là. Ah, puis c'est incroyable. Moi, pendant la quarantaine, on est encore dedans, là, mais pendant les moments les plus quarantaine de la quarantaine, j'ai tellement de vocabulaire. Hey, dans les premiers moments, tous les shows de drag, d'artistes, de chansons, whatever, étaient virtuels. Mm-hmm. Puis souvent, dans les shows queer, il y avait un genre de rampage de straight dude qui débarquait dans le show virtuel pour venir faire du hate dans le chat. Là. Genre, puis du monde. Là, beaucoup de temps à perdre. Oui. Puis genre des nazis assumés, puis des affaires de même. Là, j'étais comme, my God, hein. Mais ça, par exemple, on shadowban pas ça. Non. Eux autres, ils n'ont aucune difficulté. C'est ça, c'est des accounts super à droite. Anyway, ça fait que. C'est ça. Fait que quand ça a commencé plus le shadowban par rapport à tout ce qui est. Parce qu'à la base, ça a été plus. Ça a commencé le shadowban avec les sex workers. Il y a eu une grande mobilisation avec les sex workers. Merci. Et après ça, les comptes d'éducation sexuelle de plus en plus. Puis maintenant, on est rendu à un point où est-ce que. C'est pas trop clair, en fait, qui se fait shadowban. C'est un peu. Tous les corps qui vont être hors de la norme, marginalisés. C'est pas des jokes quand on dit X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shut down par la police des mœurs. Exactement. Si on écrit fifth for real, là, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marchera pas. Moi, je cherchais un Wincoloc récemment, puis genre constamment mes annonces passaient pas. Je pouvais juste publier dans chez Queer Montréal, c'était la seule place où c'était approuvé. Partout ailleurs, Facebook bloquait mon annonce. Mm-hmm. Tout le temps. Wow. Là, mané, parce que je disais tapette non-binaire dans mon annonce. Fait que là, j'enlevais tapette, j'enlevais non-binaire. Là, mané, il fallait que j'enlève toutes les choses qui. Là, je suis pas en train de faire de l'éducation, là. Je suis pas en train de parler à 2 millions de personnes, j'essaie juste de me trouver une crise de coloc. Imagine, quand t'as fait, écoute, l'ignominie de poster un dildo dans ta salle. Moi, j'ai-tu raconté la fois où je me suis fait signaler sur le compte de la mairesse de Sainte-Adèle quand elle avait shut down les chutes? Moi, j'ai juste commenté, tu sais, son long message pour expliquer que les chutes allaient commencer à être payantes. Puis moi, j'ai juste, tu sais, c'est deux minutes, fait, j'ai juste écrit en commentaire « Too long didn't read ouais. », genre, entre guillemets, « I hate faggots ». Puis ils m'ont suspendu mon account pendant genre 24 heures parce que j'avais dit I hate faggots, puis j'étais comme vous comprenez que c'est entre guillemets, puis que c'est elle qui dit, puis que c'est elle. Mais c'est ça, mais puis c'est politique, ça a vraiment plus d'impact sur ça. Ok, whatever. Ça, you know what? Ça turns out I hate faggots. It was true all along. Voilà. I hate them. Voilà, mais c'est parce que ça, ça marche juste avec des buzzwords. Il n'y a pas quelqu'un qui vérifie chaque compte. Genre, c'est juste t'as marqué dildo puis quelque chose dans ta story. Whoop, c'est flagué automatiquement, puis ça va disparaître. T'sais, c'est vraiment niaiseux. Ce qui m'amène à dire que on sous-estime c'est quoi travailler sur les réseaux sociaux, je crois. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité. Puis je veux dire, comme les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, puis encore une fois, les sex workers mis de l'avant, c'est constamment de renouveler en fait ton matériel pour qu'il soit... Mais genre, pas juste ça aussi, les algorithmes, ils peuvent changer genre sans préavis. Là. Oh my god, combien de fois c'est arrivé? Eux autres, ils gèrent comme ils veulent. Ouais. Fait qu'il faut que tu t'adaptes à ça aussi. Là. Je veux dire, moi, dès qu'il y a quelque chose que je suis un peu off, tu s'en vas sur Twitter, puis comme les gens, ils vont en parler. Là, ouais. De comment les Twitter, genre de sex worker, d'éducateur sexuel, de comment quel algorithme va aller chercher quoi. Puis moi, vraiment, quand ça a commencé, j'ai décidé de juste plus me pencher vers parler de ma transition. Parce que j'avais... Je veux dire, c'est le moment où est-ce que j'ai commencé la testostérone. Donc, je me suis dit, regarde, on va arrêter de stresser avec est-ce que ton post sur les dildos va être enlevé ou non. Tu vas juste commencer à faire des beaux petits posts de My Voice 6 months on tea. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est une réalité qui fait que c'est constamment de la créativité. Mm-hmm. C'est constamment devoir se renouveler. Puis c'est énormément de pression. Puis je veux dire, c'est beaucoup. Puis il y a beaucoup aussi d'influenceurs, comme on dit, qui vont juste arrêter de faire ça parce que c'est énorme. En plus, d'un côté, qu'il y a... les réseaux sociaux, puis tout ce qui est les algorithmes qui vont essayer d'être shadowban, mais de l'autre côté, comme on a dit plus tôt, il y a les followers qui vont beaucoup comme pas prendre d'énergie, mais comme qui vont te voir comme une personne qui dit la vérité, ou qui vont plus prendre ils vont engage. Pour du cash, ouais. Vraiment engage. Fait que je pense que c'est être sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de travail. Parce que en plus, puis c'est surtout, dans ton cas, c'est encore plus vrai, nous, à deux fiffes le matin, on fait ça un peu cheapo, mais tu sais, il faut que tu aies des skills en graphisme. Pour faire des parce que tu fais quand même des beaucoup de visuels qu'on avait de contenu visuel. Je veux dire, dans le communautaire là, quand on s'est passé du temps sur Canva. Canva, c'est your best friend là, sacrement. Mais c'est beaucoup de travail, même que je me suis surpris à certains moments de comme plus travailler sur mon podcast puis sur tout ce que je fais gratuitement que sur ma job numérique. Ouais. Donc c'est énormément de travail. Je pense que c'est une pile. Ouais, mais là en plus tu fais des vidéos, right? Non, pas encore. OK. C'est ça. Un story, ça compte. Une story, ça compte, oui. Story, ça compte. Ouais, mais tomber dans le editing, genre. Ouais, le son, c'est une chose, mais la vidéo, là, c'est... Next level. Oh my God. Mm. Oh my God. On l'a fait pour la Saint-Jean, de Steam, et plus jamais. Plus jamais. Ah! Elle vous l'annonce là, en live, plus jamais mes collistes. Voilà. C'est pas que je veux name drop, là, mais merci, Kiara, d'avoir réglé nos problèmes. Oh yes. Back then. Thanks, girl. Ouais, avant le fame. Mais l'an prochain, si c'est pas en live, on n'est pas là, on a ça, le vidéo. C'est ça. Je me demandais un peu pour le fun là. Combien de temps tu passes sur on va dire mettons là, on va te faire séparer ta vie. Je sais que ton podcast ça s'en vient, tu vas t'y remettre là. Il y a eu un petit oui, en fait j'ai eu la chance d'avoir une subvention. Ah, qu'est-ce que du réseau Enchanté. Donnez-y du cash. Fait que je me suis équipé puis aussi de qui le compte la vol l'an prochain Non puis... mais moi pour supporter June j'ai donné tout l'argent qu'on avait. Ouais. As deux fifs le matin à June. Fait que le chèque est vide. Mais c'est ça, que dans le fond, je suis en train de refaire, de renouveler tout ça. Puis je vais faire ça avec, avec Misanka, qui a pris ta job à Kevin Hands. Qui a pris ma job, je veux dire, qui a obtenu ma job. Là, elle me l'a pas volé. Qui a maintenant ton poste à demain. Et j'ai vraiment hâte en fait de parler de plus de vulnérabilité, de comment aller chercher plein de choses. Puis Instagram, mettons, ça va être l'enfer. Combien de temps dans une semaine tu penses qu'il faut que tu garoches sur Instagram? Ben, au minimum 3 heures par jour. Tu peux pas Ok, quand même, là, c'est un bon 20 heures par semaine. Tu peux pas sortir de chez vous sans ton câble là, pour le recharger au cas où. Là. J'essaie, tu comprends, c'est un travail sur moi. Okay. Au début, je veux dire, j'ai tapé du 12 heures par jour. Ah ouais. Oh. Parce que, puis je veux dire, le truc aussi qui était compliqué, c'est avec ma job d'alter ego où est-ce qu'on répond déjà à des questions, ben, je me disais que c'était la même chose. Tu comprends? Mmh. Donc, j'avais de la difficulté à séparer ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ouais, ma vie de les Instagram. Ouais. Mais depuis que j'essaie de plus compartimentaliser ma vie, hein, on essaie, c'est comme le gros truc des milléniaux, on essaie de plus des limites. Wow, avoir t'as dessiné une belle carte dans ton agenda. Exactement. Là, tu gères tes affaires. J'ai fait ça. Ouais. Mais je dirais que c'est ça, au minimum 2 heures par jour. Ah mais, ouais. Comme, ouais. Tabarnak quand même, hein? Puis, j'ai envie, on achève pas mal l'épisode, j'ai envie de te demander, t'as-tu un beau souvenir, quelque chose de vraiment le fun qui s'est passé en tant qu'éducateur sexuel, que tu t'es dit « Ah si, c'est pour ça que je fais ça ». Je dirais que la première fois que j'ai reçu des questions, c'était un petit couple du Texas, j'aimais ça parce que j'étais comme « Wow, Texas ». Ça commençait par « Howdy y'all ». Ouais, ouais. Howdy est-ce y'all. Ou est-ce que c'était un jeune gay, cis, qui me demandait en fait des conseils pour… que son chum, en fait, qui est un homme trans, qui est un garçon trans, puisse se sentir plus confortable dans sa sexualité. Puis moi, là, je suis là, je suis une petite moune de 14 ans qui m'envoie un message pour aider sa petite moune, son copain trans, sur comment il se sent mieux dans son genre. Ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir utiliser ma connaissance sur les jouets sexuels pour que ce random couple-là au secondaire au Texas se sente mieux dans sa sexualité. Mais oui. Puis, ouais, c'est vraiment comme il y a des belles choses qui se passent en fait quand tu parce que c'est beau les sextoys, hein, c'est le fun, comme c'est, on offre du plaisir aux gens. Ben. Mais puis c'est comme tu sais souvent on dit de n'importe quoi, genre c'est quelque chose que tu avais besoin mais tu ne savais pas. Exactement. Je pense que beaucoup de gens se découvrent. Mm-hmm. Là on parle de sextoys mais dans la sexualité en général, genre je pense que c'est le fun de voir des gens qui ou des gens qui m'envoient des messages 6 mois plus tard puis qui disent oh ça a marché, Joe. Ah! Yes, yes, yes. Ça fait du bien. Yes, we love that. Donc, ma dernière question, à quand le OnlyFans? Oh, jamais, je pense. OK, fair enough. Je vais laisser cette place-là aux gens qui, encore plus qui de ont plus de temps. Ben, c'est ça. Non, mais voilà, on n'a pas besoin d'être d'un following. Moi, j'admire les gens sur OnlyFans parce que là, déjà, il faut que tu trouves du monde. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils acceptent d'être filmés. Ouais, puis après ça, Bellaton, elle vient, puis en une journée, elle te scrape tous tes paiements. Exactement. C'est un travail à temps plein. Là. Ah non, c'est OnlyFans, sûr. OnlyFans, c'est pas un... Comme il y a beaucoup de gens en pandémie qui disent que c'est un petit hobby de pandémie. Mais non, c'est un job à temps plein. Ah oui, non, pas vrai, là. Genre, en tout cas, content creating, là, c'est beaucoup sous-évalué dans nos sociétés. Là. Mais c'est comme n'importe quel content creating, c'est juste que c'est de la pointe. Fait que là, les gens comme, traitent ça comme autre chose. Après ça, c'est sûr que si l'essentiel de ton brand, c'est de faire des unpackaging vidéo d'affaires dont tout le monde se calisse, je pense pas que c'est tant du travail que ça. Sorry, Pierre Cloutier, mais comme... Genre... Même ça peut ça, être beaucoup gare, de travail. Même gare, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de carton toutes les semaines. Oui, puis en même temps, c'est correct. Ça nous fait une tapette qui diversifie les straits pendant ce temps-là. Imaginez, on pourrait juste se promener dans les rues de Montréal comme quand c'est le temps du recyclage genre, pour voir où c'est qu'elle habite. C'est comme vraiment du carton à l'avant. On est comme yes. OK, les spots. Quand même creep comme idée, non? Je sais pas, ce serait quoi l'intérêt. Je trouverais juste ça drôle. C'est ça, moi non plus, je vois pas. Juste ça drôle. Mais effectivement, j'ai juste. T'as qu'à ça, m'a ramassé les canettes puis à 5 cents de la shot, on va faire une passe de cash. C'est vrai. Et on fait des blagues de recyclage, on est millionnaire ou non. On sauve la planète. Hein? On va sauver la planète. C'est on brand en tabarnak. Une canne à fois. Hey! Fait qu'on va aller sauver la planète en se prenant un café. Parce que c'est notre responsabilité individuelle. C'est notre responsabilité individuelle. On a apporté notre petite tasse réutilisable, ma gueule. Mais certainement, parce que, hey, que j'en vois. Hey, moi, là, les copes, je t'en Moi, je suis tellement écologique, ma tasse, elle est réutilisable et compostable. Comment ça se peut? Je vous dis pas. Ah, OK. C'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. June, t'as-tu de quoi à plugger? Mais je dirais, followez-moi sur les réseaux sociaux. June Pilote. Envoyez des questions à Alter Hero. On a aussi un programme en neurodiversité. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent. C'est une personne neurodiverse LGBT. Pitchez-vous là-dessus. Oui. On est là. Puis, allez suivre Alter Hero sur TikTok. Ça presse. Hey! Astique le content élite. Il y a du fun là-bas. Ah! Oh. Jeff, t'es sur TikTok? Non, mais comme tout le monde sur TikTok, ils postent leurs vidéos sur Instagram. Ah, OK. J'étais comme T'as ça. T'as eu peur, hein? J'étais comme, tabarnak, hein? Genre, je suis une vieille personne. Ben oui, puis je suis supposé être plus vieille que toi. C'est ça, ça m'a. J'étais comme, ouf, genre, j'ai pris un coup de vue en 2 secondes. OK, ouf, il y a personne sur TikTok ici, tout va bien. Parlant de TikTok, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure, exception faite de TikTok, en tapant 2, le chiffre 2. Fif avec un UX à la place du I parce qu'on veut pas se faire shadow par la police des mœurs, se faire shadow ban, perdre notre reach, voir notre carrière s'effondrer en flammes. On veut pas ça. On veut pas ça. On veut pas ça. Et c'est pourquoi il faut commenter sur nos photos, partager vos affaires dans vos stories, ne parler que de contenu queer partout. Et on se revoit. la semaine prochaine. On se voit pas, c'est un podcast. On se réécoute la semaine prochaine. C'est ça. Imagine, on était sur TikTok. Pour vrai, on aurait pu de temps. On aurait juste... Mais pour faire quoi? Je sais pas ce qu'on ferait. Il y a deux podcasts, mais on a pas besoin de visuel. La seule affaire que tu fais sur TikTok, c'est des genre public service announcement où je me suis transformé en drague en deux secondes. Ouais, sinon, danser. Danser? Ben, j'ai dansé. Des petits cours de bébé, moi j'aurais dit. En même temps, ça le fait en photo pour une vidéo. Fuck TikTok, sérieux. On sera pas là. Non.